Okay, so today is a nice opportunity to have people coming from the East. Mm-hmm. So thank you very much for being here. You're welcome. And Serge would like to know who you are and what you do in Croatia. Okay, so we are called MASA. It's the name of our organization, like this, MASA. Mm-hmm. It's a network of anarcho-syndicalists. MASA is an acronym for the network of anarcho-syndicalists in Croatia. Alors Zorana dit qu'ils font partie d'une organisation anarcho-syndicaliste qui s'appelle MASA, M-A-S-A, et c'est un réseau en fait anarcho-syndicaliste. Yeah, and we have groups in three major cities in Croatia, and in other cities individual like contacts people. Et ils ont des groupes dans trois grandes villes en Croatie, et après plutôt des contacts individuels en fait dans d'autres endroits. Yes, and we participate in various social movements in Croatia, like social struggles, workers' struggles, students' struggles, anti-government demonstrations, and so on. Donc ils participent et ils s'engagent dans différents types de mouvements sociaux, par exemple avec les étudiants ou avec des travailleurs. Enfin, il y a beaucoup de choses auxquelles ils participent. Yeah, and we try to connect different struggles, different people, different ages, and help them to achieve their social rights. Et en fait, ce qu'ils essayent de faire eux, c'est de les connecter entre eux aussi. C'est-à-dire que ce soit pas séparé, que ce soit des gens de différents milieux, de différents syndicats et de différents âges aussi. Yeah. And although we call the name of the organization is a network of anarcho-syndicalists, mm-hmm. it's basically a more anarchistic, not syndicalistic, because in Croatia we don't have a background to build unions, to build strong unions on. Mm-hmm. So we just kind of try to influence other struggles, other social struggles, except just unions. Bon, en fait, ils n'ont pas vraiment une tradition syndicale. Du coup, c'est vraiment plutôt un réseau en fait qu'ils forment, et ils essayent d'influencer dans chacune des luttes par leur réseau, leurs idées, d'influencer chacune des luttes par leurs idées anarchistes. Yeah. Would you like a general like description of economic political situation in Croatia? Est-ce que tu veux un panorama de la situation sociale, économique en Croatie? Je peux pas rien dire non, et d'autant plus que ça expliquera certainement quelle lutte on peut mener en tant qu'anarcho-syndicaliste. Et bien entendu, il faut connaître le cadre économique, social et aussi peut-être syndical, la réalité des syndicats qui existent là-bas. Donc on comprendra mieux ce que vous pouvez y faire à ce moment-là. Ok. Croatia is a country of 4.5 million people. And we have 20% unemployment. Donc en Croatie, il y a 4,5 millions d'habitants et il y a à peu près 20% de chômage. And all, half of all unemployed people are young people, 18 to 25 years of age. La moitié des gens au chômage sont très jeunes, de 18 à 25 ans. And you know, we had a war when Yugoslavia was falling apart. It was 20 years ago. But people still have leftovers mentality from. Donc en fait, les gens ont gardé de beaux restes de la mentalité de la guerre d'il y a 20 ans. And during the war and after the war, like 1991 to 1995, and then till these days, we had a process of deindustrialization and privatization of social companies and state companies. Depuis 91 à 95 et puis après, il y a eu tout un mouvement de désindustrialisation de la Croatie et de privatisation des services sociaux, des services publics. Yeah, while people were fighting, having a national struggle, independence struggle, the politicians got rich and from selling humanitarian help and privatizing companies. Un certain nombre de politiciens ont profité en fait de la tourmente pendant la guerre et des revendications indépendantistes pour monnayer et faire de l'argent et privatiser les services. Yeah, and so now we are Croatia is a member of the NATO Pact, and we are kind of waiting for the membership, full membership in the European Union. We also had some anti-European Union and anti-NATO demonstrations. Ok, donc là, la Croatie attend d'être vraiment un membre à part entière de l'Union européenne. Et I didn't understand the first military organization, NATO. NATO, North American. Okay. Treaty Organization. Et donc la Croatie appartient aussi à l'OTAN. Et donc, ce qu'ils font, eux, dans leur réseau, c'est de participer à des manifestations contre l'OTAN et contre la participation à l'Union européenne. Mm-hmm. Something else? Yes. Donc, après Solana, donc, c'est Eugène. Eugène. Qui va s'exprimer, voilà. Yeah. I am a student and we fight for free education. Alors, Eugène est un étudiant et il se bat avec les autres pour une éducation gratuite. And in the same time, we have our army in fighting in Afghanistan, but we don't have money to for a public free education. Bon, en Croatie, il n'y a pas d'argent, disent-ils, pour une éducation gratuite, mais on a l'armée qui se bat en Afghanistan. Il y a des budgets pour l'armée. And we are trying to organize students and on a direct democracy way. For fighting for free education, and it's it's almost impossible because of mentality of people, because of apathy. Ok, en fait, on essaye que les étudiants s'organisent pour défendre cette éducation gratuite, et en fait, c'est très difficile parce qu'il y a une mentalité, une espèce d'inertie, en fait, très évidente. Yes, people have still that kind of a communist mentality. For example, we have a lot of people that are working but didn't get paid for 7 or 8 months. Alors, and they say, be quiet, don't argue, don't fight, because then you'll get fired. From what? You're doing a job with no paycheck. Donc Zorana précise du coup cette question de l'inertie en disant qu'ils ont encore une mentalité à la communiste. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas été payés depuis 7 ou 8 mois. Et même s'ils n'ont pas été payés, ils disent non, mais écoute, on ne va pas commencer à faire des histoires, sinon on va être viré. Donc il faut surtout rester calme et silencieux et pas lutter. And we have an agreement in our group in Rijeka that first step in our fight is to build up a culture of resistance and solidarity. D'accord. Et donc dans votre groupe, in your group. Yes, in Rijeka, local group Rijeka. Ok, dans leur groupe local, en fait, eux, ils ont l'idée, donc, pour combattre cette inertie politique, de créer de la solidarité, de l'organisation. Yeah, because we don't have cultural resistance background. Ouais. En fait, il leur manque un contexte de résistance là-bas. We're just trying to build it from nothing. Ils construisent ça, cette organisation et cette résistance à partir de rien. Yeah. And the old union from Yugoslavia, ex-Tito regime, was main parts of state. And now they are just with old mentality, no combat, no fighting spirit. Just today, unions are like in the old regime, just incorporating the system. Okay. In the state. En fait, les syndicats à l'époque de la Yougoslavie et de Tito étaient complètement incorporés dans l'État et d'une certaine manière, ils gardent cette mentalité-là, cette organisation-là, puisqu'aujourd'hui, ils sont encore, incrustés dans l'État et pas du tout indépendants. Yeah, so it's really hard. We have to teach people to help each other, to talk to each other in neighborhoods. Because everyone is in their own apartment, not talking to anybody, not sharing experience, not helping each other. We have to try to teach people again to do that. Finalement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'enseigner en fait à chacun, à tout le monde, comment reparler les uns aux autres. Parfois, les gens sont complètement isolés dans leur appartement, ils se parlent pas sur le même palier, et donc il faut réapprendre des choses comme ça. Well, not just to teach them, but to show them by example. That's et donc pas seulement enseigner, mais leur montrer par l'exemple. Yeah. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Igor? Parce qu'on va terminer sur donc un peu le panorama d'ensemble. Donc toi, tu as peut-être des choses à rajouter. Would you like to add something? Yes, I'm Igor. I work in a shipyard in Rijeka, and we're also as Massa present in the struggle of the privatization of the shipyard, and we started an initiative. The shipper to the workers. Okay. Alors en fait, Igor, je me suis éloignée du micro parce qu'il y a un mot que j'ai pas bien compris. Et Igor, en fait, il travaille dans un chantier naval. Voilà. Et could you repeat the end because I was looking for the word. I'm sorry. Okay. We as a master are involved in the initiative because the shipyards are going into privatization for one kuna. It's like 50 half a franc. The whole shipyard is selling for one franc because it's in the debt. Ok, bon, alors en fait, Igor travaille dans un chantier naval et avec son groupe du Massa, ils essayent de fédérer les travailleurs de manière à lutter contre la privatisation qui, en fait, leur groupe de chantier naval va être vendu pour un franc. Symbolique. It's as a symbol. Yeah, yeah. The fight is still going on and it's... The privatization it's lasting for about 2 or 3, almost 3 years. They can't sell the shipyard even for one kuna. Ok, alors la lutte continue et c'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'ils essayent de vendre en fait le chantier naval pour un franc. And the shipyard is really important because in Rijeka, where we come from, it's the last industry that we have. And when it was working normally before the privatization started, it had 30,000 people depending on it, workers and their families, and so basically the whole city was depending on this shipyard. And now they want to sell it so they can make money off of it. And so your town is Rijeka. Rijeka. Ok. Yeah. Donc dans leur ville en fait à Rijeka, ce chantier naval, il est particulièrement important parce que c'est un des derniers bastions industriels qui reste. Mm-hmm. Et à l'époque où il n'était pas encore privatisé, enfin avant que ce soit décidé en tout cas, il employait jusqu'à 30 000 personnes de la ville. Et donc d'une certaine manière, toute la ville était reliée en fait à ce noyau industriel. Yes. And the main goal of the initiative is to force the government to... let the workers manage the shipyard. Finalement, le vrai but de leur initiative au Massa, c'est de pousser les patrons à laisser, ou en tout cas à laisser de la place, quoi, pour que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui dirigent le chantier naval. Because at the moment, the whole shipyard is run by directors, managers that are politically colored. That are politically they're members of politics party that's on power. Parce que pour le moment, ce chantier naval, il est dirigé par des directeurs et des managers qui sont tous encartés dans des partis politiques qui ont pignon sur rue. Je suis extrêmement intéressé par la tentative de créer à partir d'un réseau une organisation anarcho-syndicaliste en général dans le monde, mais particulièrement dans les pays de l'Est. Dans la mesure où le modèle communiste est, je pense, enfin les gens ont vu concrètement, la population a vu concrètement à quoi ça conduisait, et même s'ils ont beaucoup de difficultés, je pense, c'est quand même intéressant parce que il y a plus ce modèle communiste, même s'il laisse des traces dans l'esprit des gens. Donc comment, dans le réseau, un peu concrètement, au-delà de la coordination des luttes, il montre que l'anarcho-syndicalisme peut organiser les gens dans tous les domaines de la vie courante, ça peut être des domaines de logement ou autres. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire ça, ou au moins de le commencer? Okay, so Serge is very interested by your attempt to create not only a network but an organization, an anarcho-syndicalist, network. Yeah, organization, and particularly in Eastern countries where there has been a very big communist print. So his question is about. How your organization deals with current life and everyday life for people, and how do you do it for real? Pour préciser ma question, mon intérêt plus exactement, j'ai été en Pologne pendant le moment de Solidarność. même si on peut pas comparer la situation en Croatie. Et le fonctionnement qui a été mis en place par beaucoup et beaucoup d'ouvriers dans les usines à ce moment-là s'est fait naturellement sous une forme anarcho-syndicaliste. Justement parce qu'ils rejetaient toute l'autre solution, et tellement bien que l'intervention militaire a été précédée par un communiqué de l'agence TASS qui accusait Solidarność d'être anarcho-syndicaliste. D'où mon intérêt, même sans... Je ne compare pas les deux situations. Okay, so Serge is mainly interested because he went to Poland when there was Solidarność, and of course, he doesn't want to compare it exactly because it's not exactly the same situation. But what he saw is that workers in firms tended naturally towards anarcho-syndicalism because they rejected any other forms of unions. And est-ce que tu peux dire la fin? Tu peux me redire sur TASS? L'agence TASS, c'est-à-dire l'agence russe de l'époque, a accusé Solidarność d'être anarcho-syndicaliste. Moi, j'ai le texte. Et il y a eu une intervention militaire la semaine qui a suivi. D'accord. And the TASS agency in Russia accused Solidarność to be anarcho-syndicalist, and there was a military intervention the week after. So he's very interested in... In our experience. Yes. Mm. Yeah, well, in Croatia it's a bit different. C'est différent en Croatie. Je me doute bien. Yeah, because as I already said, the name of our network is Network of Anarcho-Syndicalists. But in Croatia there is no culture of resistance. Workers usually participate in unions installed by the government. Okay, so or do not participate at all. Bon, ce que dit Zorana, c'est que le cas de la Croatie est différent, ce que Serge sait bien. Il n'y a pas du tout de culture là-bas de résistance. Et donc, en fait, les travailleurs, les ouvriers, ils étaient habitués ou bien à faire partie d'un syndicat relié à l'État, ou bien rien du tout. Igor. We have another difference from Poland. We had a war, and most of male workers went into battle, and a big part of them got pensions, like 30-year-old male. Males that could have managed to continue work got big pensions, and that was a way to buy votes and to distance people that are fighters from the working class. Ok, en fait, une autre différence que relève Igor par rapport à la Pologne, c'est que leur pays, à eux, a été en guerre. Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hommes ouvriers qui ont été sur le front. Et du coup, quand ils sont revenus, ils ont eu des retraites ou des pensions, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, la pension qui fait que, parce que t'as été combattant. Et donc, on s'est retrouvé avec toute une catégorie d'hommes âgés d'une trentaine d'années qui ont été, en fait, mis à distance du milieu ouvrier par ces pensions, qui sont assez élevées, en fait. Yeah, we tried. We had several attempts to go into workers' movements and try to radicalize them, to suggest anarchist methods of action, anarchist principles like direct action, direct democracy, and so on. But usually, it doesn't have anything to. Doesn't have fertile ground. Yes, it doesn't have fertile ground. En fait, ils ont bien essayé plusieurs fois d'aller dans les luttes ouvrières pour radicaliser le mouvement et pour proposer une action directe ou une démocratie directe, et en tout cas proposer des méthodes anarchistes. Mais en fait, le terreau n'est pas du tout fécond. Oui, effectivement. Tu voulais intervenir peut-être, oui. Eugène. But today, when we have men's workers who doesn't have pays for 8 months, they are very angry. Very angry, and there is a fertile ground to accept methods that are radical because they are hungry. Hungry or hungry? Hungry. Hungry. Hungry. Hungry. Okay. Mais alors, du coup, ce que dit Eugène, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des hommes qui se retrouvent, des travailleurs, qui se retrouvent pendant 7 à 8 mois pas payés, et ils ont vraiment faim, en fait. Je l'ai confondu avec... ils sont en colère, mais ils ont vraiment faim, et du coup, là, ils sont en train d'accepter des méthodes un peu différentes. Il y a un terreau qui commence à devenir un peu plus facile, fertile, en tout cas, pour l'action anarchiste. Yeah, just recently, we started to see more workers groups being more angry because the conditions are getting worse. There's more unemployed people and more hungry people, and the people are getting more angry. So that's maybe the fertile ground. The ground is becoming more fertile just recently, in maybe half a year. D'accord. Donc peut-être les choses, en fait, du point de vue anarchiste, des méthodes anarchistes s'améliorent, parce que ce qui se passe, c'est que les conditions sont de plus en plus terribles pour les travailleurs. C'est-à-dire que ils ont de plus en plus faim, et ils sont de plus en plus en colère, du coup. Et donc là, il y a un terrain qui devient de plus en plus possible. Et une question que je voulais poser, justement dans ce cadre-là où... De toute façon, d'ailleurs, avec l'entrée dans l'Europe, ça va malheureusement être de pire en pire, par tout ce qu'ils décrivent. Les propositions anarcho-syndicalistes, c'est-à-dire que les travailleurs, que les étudiants, que les travailleurs de telle ou telle corporation luttent ensemble, alors que le syndicat traditionnel, même en France d'ailleurs, est sur des bases corporatistes et verticales, justement, pourrait pas être pris par à la base pour effectivement recréer des noyaux, mais sur des bases interprofessionnelles entre les diverses professions. Mmh. Parce que c'était le cas en Pologne, hein, c'est pour ça que je pose la question. Okay, bon, obviously with Croatia entering European Union, it's going to be worse, as we know in France. So Serge wants to know if those anarchist syndicalist propositions that are the struggles that workers and students should struggle together, mm-hmm. in a horizontal way and not in a traditional union vertical way. The idea for Serge is that could you create, can you found something in Croatia between different professions, between different works, like students and other professions and workers? Can you build this? Oh, you mean do we have a ground to connect all of them in the same time? Yeah. Well, not really. Yeah. We try to connect individual movements and struggles just for people to see that they can work with each other in solidarity. Mm-hmm. But we don't have a common ground to put them all together. Non. En fait, pour le moment, ils n'ont pas de terrain en fait commun pour relier les luttes et que ça se fasse ensemble. Ils ont surtout des initiatives individuelles et des luttes du coup qui se font par réseau. Oui, j'ai bien compris. We had last year in spring in Rijeka, where we come from, the city, we had like an anti-government demonstrations against social cuts, and we had I think 36 demonstrations in a month. We had a demonstration every 2 or 3 days, and we managed to gather maybe 800 people in the city, students, unemployed, workers, all of them. But it lasted only for a month, but it was a good. What Serge proposes. This was maybe one example that we have of creating a common ground to put them all together. Last year, okay. Not this year. L'année dernière, il y a eu un mois de très grosses manifestations à Rijeka, Neuville, contre les mesures de réduction de budget public, en fait. Et il y a eu, en fait, 36 manifestations dans le mois. Il y en avait pratiquement une chaque jour ou tous les deux jours. Et ils ont réussi, en fait, ils ont participé à tout ça. Et ils ont réussi à être présent en fait et à réunir pratiquement 800 personnes dans la durée, mais c'est vrai que ça a duré qu'un mois, c'était l'année dernière. Mais ce que pense Zorana, c'est que du coup il y a peut-être là le début de quelque chose qui ressemble à ce que tu dis, Serge. And also we try to do the same thing through May Day, 1st of May, because in Croatia 1st of May is traditionally being organized by left-wing political parties for many years now. That's also a communist leftover you know, and we're trying to bring 1st of May back to the people under the slogan of 1st May to workers, not to the parties. And this year was the first 1st of May, maybe ever in Croatia, that was libertarian without any parties whatsoever. So this is a start. Yeah. Bon, et ils essayent surtout de récupérer le 1er mai qui en fait est tenu depuis des années, et ça c'est un vrai reste aussi de la mentalité et du fonctionnement communiste, qui est tenu depuis longtemps par tous les partis étiquetés quoi, de la gauche. Et là en fait ce qu'ils veulent évidemment, c'est que ce 1er mai revienne aux travailleurs et aux étudiants, et que ce soit pas, que ça appartienne pas aux partis. Donc le slogan qu'ils ont mis en place cette année, puisque pour la première fois ça s'est un peu mis en place, ça, cette année au 1er mai, c'est le 1er mai pour les travailleurs et pas pour les partis. Je crois que Jeanne voulait intervenir tout à l'heure, non ? Non, tu n'avais pas demandé la parole. Non, pour terminer sur ce sujet, je pose la question pour la raison suivante, c'est que quand il y a eu Solidarność, que les gens ont quitté en masse, enfin, pour ceux qui étaient dans les syndicats officiels, au congrès de Solidarność, les gens se sont organisés naturellement et se sont venus des regroupements de travailleurs par quartier ou par zone, etc. Et les gens, il y avait des queues de kilomètres, les gens, pour adhérer. Et c'est cette structure interprofessionnelle, tous les gens d'un quartier, qu'ils soient étudiants, enfin ceux qui voulaient s'organiser en Solidarność, qu'ils soient dans la sidérurgie, qu'ils soient imprimeurs. Et c'est la structure de base du syndicat était cette structure-là, locale, interprofessionnelle. Et ça, je crois que c'est un apport. Personnellement, je pense que c'est un apport essentiel de l'anarcho-syndicalisme, c'est justement cette structure interprofessionnelle qui permet d'intervenir sur tous les aspects de la vie d'un quartier ou d'une commune, etc. Donc c'est pour ça que je précisais bien, je comprends bien qu'ils n'en sont pas encore à ce stade, mais je pense que c'est un stade naturel quand les gens luttent vraiment. Ok. Donc, Serge understands that you're not at that point yet, mm-hmm. but he thinks that when people are really struggling, like it happened in Poland with Solidarność, where people were gathering from various jobs and professional entities, mm-hmm. In a local and interprofessional dynamic, Solidarność, c'est construit. Yeah. Solidarność was built on this local and interprofessional gathering, and it helped changing every people's life. Voilà, donc ça c'était un peu pour préciser. Je voudrais savoir comment vous fonctionnez dans le réseau au-delà effectivement de la situation actuelle. Est-ce que vous avez des activités, je sais pas, culturelles ou de distribution d'un journal ou des groupes de musique qui travaillent avec vous, des choses aussi qui peuvent intéresser les gens dans un quartier, des choses comme ça. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire? Et déjà, est-ce que vous avez un local? Tiens, excellent. Okay. C'est aussi une difficulté. The first question is, do you have a place where you can meet? And the other questions are, do you have cultural actions? Do you have a newspaper? Do you have musical groups who are come and play music? How do you deal with that? Yeah, well, that is the part of the problem, because the situation with this culture of resistance is on such a low level. We try to work with all the groups. And in the meantime, we don't have enough people to defend a place, a social place. We're trying to make one. We're not making one now in the philosophical faculty in our town. We have a place. We're building a library there, and movie projections and round tables and so on. But we don't have a magazine, because we don't have time to make a magazine, because we do we participate in 5 or 6 different things at the same time, and there's very little people. We're only, I don't know, 4, 5, 10, 20 people trying to do 6 things at the same time: student struggle, a social movement, anti-government, you know, anti-fascist workplace. We don't have, we can't do everything. We have to focus on something. Bon, en fait, ils sont à un niveau de résistance pour le moment qui est assez difficile parce qu'ils sont très peu, ils sont entre 5 et 20. Mm-hmm. Et ils mènent tous les fronts à la fois, le front pour l'éducation gratuite, ou contre le gouvernement, contre le fascisme, contre la caste sociale. Et du coup, ils ne sont pas très nombreux. Ils ont bien, donc, et pas très nombreux du coup pour défendre un dieu, en fait. Et donc, ils ont bien quand même essayé, et c'est ce qu'ils font en ce moment à l'université de. Et dans le département de philosophie de leur université, de faire des tables rondes, d'avoir une bibliothèque, de faire des projections de films. Et c'est ce qu'ils mettent en place, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux pour le moment. Next level of our activities would be a social center. And right now, we are too few to build one. And we have newspapers. It's a name Strike, and only two editions. Editions, 208 and 209. After that, we stop it. We publish it. En fait, la prochaine étape de leur action, ce serait vraiment d'avoir un centre social. C'est vrai que pour le moment, ils ne sont pas assez nombreux, mais dans ce centre social, ils feraient effectivement ce dont on a parlé. Et surtout, ils ont bien eu une édition d'un journal qui s'appelait Strike, la grève. Mais pour le moment, ils n'ont eu que deux parutions, une en 2008 et une en 2009. Ils se sont arrêtés parce qu'ils avaient trop de choses à faire. Qu'est-ce que pourrait vous apporter, qu'est-ce que peut vous apporter, qu'est-ce que va vous apporter, j'espère, ces rencontres du point de vue soutien? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est une aide pour acheter un local? Qu'est-ce que vous attendez de plus urgent? Okay. So Serge says that of course you're not in Saint-Imier only to be on Radio Libertaire and to speak on the radio, and he would like to know what you expect from the encounters you make. What do you expect? Do you expect that people could help you getting a place in Rijeka or help you publish your magazine? What do you expect from these encounters here in Saint-Imier? Well, what we expected is basically what we got. What we expected is what we got. We came here for contacts, for information, for exchange of experience, and basically that is what we got. It was very good, and first 2 days we had so much information, our heads hurt, we couldn't think anymore, so it's... Bon, en fait, tout ce qu'ils attendaient, ils l'ont eu. C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient en venant ici, c'était des contacts, des échanges d'expériences concrètes. Et puis, ils ont eu tellement d'échanges, en fait, qu'à la fin du premier jour, ils avaient la tête qui explosait, quoi. Ouais. Et donc, je voulais quand même savoir, parce que si au point de vue de la solidarité dans tous les gens qui essaient de s'organiser, hein, notamment sur le plan anarchiste en besoin, quelle est une de vos priorités actuelles? Est-ce que c'est que ce qui passe en Croatie, il y a quand même des luttes soient connues, ou est-ce que c'est l'achat d'un local? Moi, j'en pose une question précise. So Serge changes his question a little bit. What is your priority in this anarchist solidarity frame? Your priority would be that you would be helped to get a place, a local, you know, in Rijeka, or that people here could help you in such a way as in Europe or in France, your cause is well known. What do you prefer? What is your priority? Actually, our priority is to find out the strategies that other people are using, other comrades are using, and try to find the best way to achieve to greater our struggle against the state. And the contacts that we'd made opened our minds in the different ways, and we now have contacts from the people near Croatia, from the Balkans and Italy and the neighboring countries, and we'll continue to collaborate and probably have a meeting in some country in the very near future to expand our collaboration and ideas on how to motivate people to fight for themselves. Okay. Finalement, ce qu'ils ont vraiment vu ici et ce qu'ils cherchaient, c'était des stratégies, quoi, des stratégies d'action. Et ce qu'ils ont vraiment entendu leur a complètement ouvert l'esprit hein, sur, mmh. sur des tas de choses. Mmh. Ils ont appris beaucoup de choses. Et alors, notamment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont eu plein de contacts avec des pays balkans, avec l'Italie, avec d'autres pays en fait, voisins. Et que ce qu'ils sont en train de mettre en place là, c'est d'autres réunions, du coup, avec mmh. eux ultérieures et d'autres échanges d'expériences. Donc, Oui, ça répond d'ailleurs à une question que je voulais poser, c'était est-ce qu'ils avaient des contacts avec des anarchistes d'autres pays? Je sais qu'ils en ont eu à Saint-Imier, ça je m'en doute, mais avant ils en avaient peu, j'imagine. Difficilement, je ne sais pas. Did you have contacts with anarchist groups from other countries before Saint-Imier? Yes, we did, but not this much. Oui, en effet, ils en avaient, mais pas autant que depuis qu'ils sont venus à Saint-Imier. Oui, ça va certainement accroître. Et est-ce que une question que j'ai pas posée, mais qui est quand même importante par rapport à tous les invités qu'on a eu jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une répression contre bon, il y a pas trop de mouvements sociaux, mais il y en a quand même quelques-uns. Est-ce qu'il y a des répressions contre les mouvements sociaux d'une part, quand il y en a, et est-ce qu'il y a une répression particulière vis-à-vis des anarchistes? Okay. So you talked about demonstrations. Is there a violent repression of your movements? And is there a particular repression of anarchists and anarchist groups? Well, not explicitly. We didn't have much problems with the police during demonstrations, except maybe a few incidents of sort. Just this. En fait, il n'y a pas tellement de problèmes avec la police. Il y a eu quelques incidents et il n'y a pas de répression explicitement violente contre les anarchistes. Actually, the police tactics and the rest of the organs of the state, it's ignoring us. En fait, la tactique principale de la police et de l'État, c'est de les ignorer. And the media also. Et la tactique de l'État aussi, des médias aussi, c'est de les ignorer. Et peut-être une dernière question qu'on a, je crois, encore jamais posée aux divers invités qu'on a eus. Est-ce que, je sais que, à mon avis, c'est pas trop possible pour l'instant, mais est-ce que vous pensez que lorsque vous serez plus nombreux, et je suis persuadé que vous serez plus nombreux, dans la période actuelle en particulier, vous envisagez de mettre en place une radio libre comme Radio Libertaire? So, Serge is exclusively asking you a new question that he has not asked any other groups. So, when you're more and do you think about creating a radio like Radio Libertaire? Oh yes, we thought about that before. We thought about radio, newspapers, magazines. We had a whole lot of ideas, and we still do. But it's always a problem with people. We don't have enough people. But yes, I think it's a great idea. Donc oui, absolument, ça fait longtemps qu'ils y pensent, de même que le journal, et c'est vrai que pour le moment, ils n'ont pas assez de gens, c'est vraiment ça le problème. Mais quand ils seront plus nombreux, c'est une des premières choses qu'ils feront. We were even thinking of making a television, a free TV channel for connecting various groups and having a libertarian TV. Ils pensent même en fait à un projet de chaîne télé libertaire, quoi, qui connecterait les différents groupes. To make space for people to create their own news. Pour que les gens aient la place de créer en fait leurs propres médias. Yeah, but still, we have the same problem. Every situation, we have the same problem. No people. Ouais, de toute façon, quand ils sont dans cette phase-là, Radio Libertaire et peut-être d'autres radios libres, on pourra certainement avoir des échanges avec eux, des conseils au niveau technique et des choses comme ça. Je sais qu'ici, on a échangé aussi avec d'autres personnes, d'autres pays sur ce problème-là, mais pour leur donner le moral, sur ce terrain des radios, je peux dire que Radio Libertaire, j'étais à l'origine de Radio, enfin avec d'autres, hein, on était allé une dizaine, hein, et aujourd'hui, Radio Libertaire, c'est 200 animateurs bénévoles et une centaine d'émissions à peu près. So Serge hopes that there will be a crowd with you to build this radio. Oh, thank you. And he would like to say that Radio Libertaire is going to help you whenever you need technical advice or whatever. And he would like to cheer you up at the end, just to let you know that at the beginning Serge was among the people that founded Radio Libertaire, and there were 10, and now they are 200. Oh. On a mis 30 ans quand même. It took 30 years. I know. Merci beaucoup. Thank you.